et nous avons un album fil rouge, comme chaque semaine bien sûr. Cette semaine, c'est un producteur qui va nous accompagner tout au long de l'émission avec une compilation. Il s'appelle Norman Connors. La compilation, c'est The Best of Norman Connors, tout simplement. Norman Connors, c'est un petit peu le même parcours que celui de Quincy Jones. C'est-à-dire tout d'abord un musicien de jazz, grand improvisateur de jazz pour Norman Connors, qui se fait connaître dans le milieu du jazz. Et puis dans les années 70, il est né en 1947, et puis dans les années 70, il commence à se tourner un petit peu vers le R&B, la soul et le R&B, et il devient producteur de gens que l'on va écouter, qui sont sur cette compilation. On vient de commencer avec Philip Mitchell et Once I've Been There. On écoutera aussi Phyllis Hyman, Dilly Bridgewater. C'est lui qui a découvert Dilly Bridgewater dans les années 70. On va le retrouver tout de suite avec un nouvel extrait de cette compilation. C'est Michael Anderson qui est aux commandes de ce morceau qui s'appelle You Are My Starship, produit bien sûr par Norman Connors, qui est l'invité de ce Solid Gold numéro 285. C'est parti. If you're having trouble with that certain Mr. Man in your life, and you've really, really tried to make things smooth, and it always turns out rough, girls, well, don't you think you've taken enough? I had one just like him until I let the front door hit him right dead in his back pocket. I had nothing but trouble. Now I have a man, knows how to treat a woman, and he taught me. When a man loves a woman, he can't keep his mind on nothing else. He turned the world to tell of the good thing he found. If she's bad, he can't see it. She can do no wrong. Turn his back on his best friend if she puts him down. When a man loves a woman, he'll spend his last dime trying to hold on to what he needs. He'll give up all of his comforts, sleep out in the rain. If she says that's the way it ought to be, l'une des grandes voix de la soul dans Solid Gold, Laura Lee, qui reprend le tube de Percy Sledge, When a Man Loves a Woman. Et juste avant, c'était Michael Anderson avec You Are My Starship, qui figure sur cette compilation The Best of Norman Connors, qui nous accompagne tout au long de l'émission. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Norman Connors, producteur, d'abord musicien de jazz, un peu le même parcours que Quincy Jones, sans en connaître bien sûr le même succès interplanétaire. Et puis dans les années 70, il se met à découvrir et à produire des artistes qui deviendront soit des grands artistes de jazz comme Didi Bridgewater qu'on entendra tout à l'heure, ou eh bien la divine Phyllis Hyman, chanteuse au destin tragique qu'on écoute souvent dans Solid Gold. Et on va la retrouver tout de suite avec une reprise d'une chanson des Stylistics produite par Norman Connors, Betcha by Golly Wow, et elle sera suivie de Simply Red et You've Got It. To show I love you. It's impossible, power, the strength that I can see. There's no way that I can let you go. Why did I mistake sex for another sense? Then wanted someone else to try to tell you no. Well, I think you understand. That I had before. Why did I just take and never understand? The love you'd given me could have learned me more. I think you understand. Elle s'appelle Adarita et c'est elle qui fait la voix sur cette chanson qui s'appelle Be There in the Morning qu'on vient d'entendre et qui est extraite de cette compilation The Best of Norman Connors qui nous accompagne tout au long de l'émission. On sent bien le son R&B des années 70. On va retrouver tout de suite un extrait de cette compilation. Cette fois, c'est Michael Anderson qu'on a déjà entendu tout à l'heure qui est en duo avec Phyllis Hyman. La chanson s'appelle « We Both Need Each Other » et juste après, on ira du côté de la country parce qu'on aime bien mélanger les genres. Ce sera Kenny Chesney avec « Don't Blink ». Turned on the evening news, saw an old man being interviewed, turning 102 today. I asked him what's the secret to life. He looked up from his old pipe, laughed and said, all I can say is, don't blink, Just like that, you're 6 years old and you take a nap and you wake up and you're 25. Then your high school sweetheart becomes your wife. Don't blink, you just might miss your babies growing like mine did. Turning into moms and dads, next thing you know, you better have a 50 years is there in bed. And you're praying God takes you instead. Trust me, friend, 100 years goes faster than you think. So don't blink. Well, I was glued to my TV when it looked like you looked at me and said, best start putting first things first. 'Cause when your hourglass runs out of sand, you can't rip it over and start again. Take every breath God gives you for what it's worth. Don't blink, it's just like that. You're 6 years old and you take a nap and you wake up and you're 25, then your high school sweetheart becomes your wife. Don't blink, you just might miss your babies growing like mine did. Turning into moms and dads, next thing you know, you better have a 50 years is there in bed. And you're praying God takes you instead. Trust me, friend, 100 years goes faster than you think. So don't blink. So I've been trying to slow it down, I've been trying to take it in. In this here today, gone tomorrow world we're living in. Don't blink, just like that. You're 6 years old and you take a nap and you wake up and you're 25, then your high school sweetheart becomes your wife. Don't blink, you just might miss your babies growing like mine did. Turning into moms and dads, next thing you know, you better have a 50 years is there in bed. And you're praying God takes you instead. Trust me, friend, 100 years goes faster than you think. So don't blink. No, don't blink. Don't blink. Life goes faster than you think. So don't. Life goes faster than you think. Don't blink. Don't blink. Life goes faster than you think. Speak to the Extrait de notre compilation fil rouge de ce soir, The Best of Norman Connors. C'était Jean Carn, une chanteuse de jazz et de R&B un petit peu atypique dans le milieu de la musique américaine, mais qui a une superbe voix, vous venez de vous en rendre compte, et qui reprenait donc un tube de la musique brésilienne, Dingy, et donc qui figure sur cette compilation puisqu'elle a été produite par Norman Connors. C'est le cas aussi de Michael Anderson, qu'on va retrouver tout de suite, en duo avec qui, figurez-vous ? Eh bien, avec Gene Carne, puisque les artistes produits par Norman Connor sont souvent enregistrés ensemble. C'est un nouvel extrait de cette compilation de Best of Norman Connors. La chanson s'appelle Valentine Love. Et puis on remontera un petit peu dans le temps avec Mr. Dean Martin et All in a Night's Work. It was all in a night's work. When Edison stayed up so late, he finally saw the light. It was all in a night's work. And when a girl and fella get underneath that moon, it's not a long shot, you can bet on

Dean Martin dans Solid Gold avec All in a Night's Work. Et puis à l'instant, c'était Adarita qu'on vient de retrouver, qui figure sur cette compilation The Best of Norman Connors avec une chanson qui s'appelle Kingston. Elle, on la connaît très bien en France, elle s'appelle Didi Bridgewater. Ça fait quelques années qu'elle a élu domicile chez nous et elle fait partie de ces artistes qui ont été découverts dans les années 70 par Norman Connors. On va entendre eh bien, une chanson qui a été produite par Norman Connors, que Didi Bridgewater a enregistrée, qui s'appelle Love from the Sun, où on reconnaît déjà tout le talent de la jeune Didi Bridgewater. Ensuite, ce sera une autre légende de la chanson américaine, Billy Joel, avec My Life. There's hope, there's hope, there's hope for everyone. Love from the sun. Love from the sun. every rainbow has to have an end. The pot of gold our dreams foretold may not be there, my friend. In this high and mighty world we live in, sometimes we have to break, sometimes we have to bend. Until the good times come again, I'll see you there when the good times come again. When you and I have made it back from the people and the places we have been, I'll see you there when the good times come again. The door that we go out of is the door that we come in. When the good times survive the world out there. You never know what wind will blow, so don't forget I care. Don't forget the way we felt together. Sometimes you have to hold to all the good that's been until the good times. I'll see you there when the good times come again. When you and I have made it back from the people and the places we have been. I'll see you there when the good times come again. The door that we go out of, the door that we'll come in. When the good times come again, Dionne Warwick dans Solid Gold, When the Good Times Come Again. Et puis juste avant, c'était Billy Joel, le grand Billy Joel avec My Life. Chaque semaine, Solid Gold vous propose de vous balader avec nous dans les arcanes de la musique américaine, de la variété anglo-saxonne, devrais-je dire, parce que ça peut venir de n'importe où du moment que ça chante en anglais. Là ce soir, c'est un musicien américain qui nous intéresse, il s'appelle Norman Connors et c'est sa compilation The Best of Norman Connors qui nous accompagne tout au long de l'émission. On va retrouver, je vous ai dit que Norman Connors était au départ un musicien de jazz, on va s'en rendre compte tout de suite avec donc un extrait de cette compilation. Le morceau s'appelle Mother of the Future, c'est du pur jazz R&B mélangé. Ensuite on aura une chanteuse de R&B qui s'appelle Barbara Acklin, qui chantera Your Sweet Loving, et puis retour à Norman Connors juste après, et son pur son soul et R&B. Mm-hmm. Close your eyes and your red. heaven has come down to me, dressed in your love. Loneliness has ceased to be, it's flown away like a dove. Just can't survive the me crying in the chapel. The tears I shed were tears of joy. I know the meaning of contentment now. I am happy with the Lord. With the Lord. Just a plain and simple chapel where humble people go to pray. I pray the Lord that I'll grow stronger as I live from day to day. I've searched and I've searched, but I couldn't find no way on earth to gain peace of mind. Now I'm happy in the chapel where people are of one accord. Just to sing and praise the Lord. I've searched and I've searched, but I couldn't find no way on earth to gain peace of mind. Non seulement dans Solid Gold on aime bien varier les genres musicaux, mais on aime bien aussi varier les époques. C'est pourquoi nous étions à l'instant en 1953 avec June Valley et Crying in the Chapel. Et puis juste avant, Norman Connors, notre artiste fil rouge de ce soir, et Romantic Journey. On va retrouver tout de suite un extrait de cette compilation The Best of Norman Connors. C'est la chanteuse Eleanor Mills qui va chanter une chanson qui s'appelle This Is Your Life. Et puis ensuite, on retrouvera le groupe Dave Clark 5. Your life, you think it's sad that you had to start so young? This is your life, not a merry-go-round. It's your life, and you can't live it down. You're just the runner-up, the worst one on air in the town. And everybody knows that I still love you so. This is your life, not just something that you do. But you know it's my life too. And if you throw it away, you're not thinking of the love we had yesterday. Oh, oh, Loving you. so lucky to be. The one you run to see in the evening when the day is through. I only know what I know. The passing years will show. You've kept my love so young, so new. De grandes voix, de grands artistes se donnent rendez-vous chaque semaine dans Solid Gold. C'était le cas à l'instant de Nancy Wilson avec Time After Time. Et juste avant, c'était le Dave Clark 5 avec Because. On va retrouver tout de suite Norman Connors, puisque c'est lui qui est notre artiste fil rouge de ce soir avec sa compilation qui s'appelle The Best of Norman Connors, tout simplement. Là, c'est un morceau qui s'appelle très modestement Captain Connors et qui a fait un tube phénoménal aux États-Unis dans les années 70. Et puis, juste après, un autre phénomène, il s'agira d'Aretha Franklin. We'll be right back. période pure soul music pour Aretha Franklin dans les années 70 avec ce morceau Prove It. Et juste avant, c'était Norman Connors et Captain Connors. Nous arrivons à la fin de ce Solid Gold. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On va se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission de variété anglo-saxonne. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver l'émission sur internet en podcast sur solidgold.mypodcast.com. Nous aurons un nouvel album fil rouge comme l'était ce soir cette compilation The Best of Norman Connors. On va se quitter en écoutant un dernier extrait de cette compilation. C'est un duo Eleanor Mills avec James Robinson et la chanson s'appelle Butterfly. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Salut. When you're gone. all the love we know, to see all the light that we can see, and teach all our children not to lie, and maybe one day we'll learn to fly, soaring wings. Bye.